Bonjour ou bonsoir. En ces temps sombres, je souhaitais vous lire un texte, ou plutôt un abécédaire, paru sur la revue Ballast. C'est un abécédaire du zapatisme, de l'EZLN, que voici avec une petite introduction de Ballast. Le zapatisme semble être passé de mode. Après avoir secoué le monde au mi-temps des années 90, les puissants juraient que leur démocratie marchande avait partout triomphé lorsqu'une armée, masquée et majoritairement composée d'Indiens mexicains, se dressa contre ce qu'elle nommait la Quatrième Guerre mondiale, le néolibéralisme et le capitalisme financier. Le mouvement, porté par le sous-commandant insurgé Marcos, dit Soup, a quelque peu disparu des radars médiatiques, voire militants. Ne parlons d'ailleurs plus de Marcos, puisqu'il annonça lui-même son autodissolution il y a 3 ans de cela. Il se nomme à présent Galeano. Marcos n'est plus, mais le zapatisme bouge encore. Il entend même présenter en 2018 une candidate indienne aux élections présidentielles. Diable! Le zapatisme n'a-t-il pas martelé qu'il refusait de s'emparer de l'État et qu'il se félicitait d'avoir permis la création du pouvoir d'en bas contre l'en haut? Qu'il se réjouissait d'avoir pratiqué une politique du quotidien et d'être passé des leaders au peuple? Galeano et son camarade Moïse s'en sont expliqués il y a quelques mois maintenant. Il ne s'agit pas d'accéder à la fonction suprême, ni de devenir un parti, mais d'utiliser cette visibilité pour amener le message de lutte et d'organisation aux pauvres de la campagne et de la ville, du Mexique et du monde. L'occasion de revenir, par cet abécédaire, sur ce mouvement et cette figure qui nous sont chères. Comme arme. Nous pensons que celui qui conquiert le pouvoir par les armes ne devrait jamais gouverner, car il risque de gouverner par les armes et par la force. Celui qui recourt aux armes pour imposer ses idées est certainement très pauvre en idées. Issu de la dignité rebelle, conversation avec le sous-commandant Marcos Galilée en 2001. B comme blues. Quand Dieu a créé le monde, il a d'abord créé le blues. Après le blues a commencé, il a, après, pardon, après, le blues a commencé à avoir ses humeurs, comme on dit, et de là le jazz, et ensuite le rock. Mais au début, comme dans la Genèse, qui dit qu'en premier la lumière fut, en musique, ce fut le blues. C'est de là que tout vient. Le blues, c'est comme si on vous agrippait le cœur et qu'on vous le chiffonnait, comme ça. Entretien avec le sous-commandant insurgé Marcos, Raimundo Reynoso, Amate, novembre 2006. C comme cœur. Quand nous, hommes et femmes zapatistes, parlons, nous mettons en avant le cœur rouge qui bat en nous collectivement. Je sais que les sentiments n'ont pas leur place dans la théorie, du moins dans celle qui avance en trébuchant aujourd'hui, qu'il est très difficile de ressentir avec la tête et de penser avec le cœur, et qu'envisager cette possibilité a donné lieu à pas mal de masturbations théologiques, ou pardon, théoriques. Oui, plutôt. Nous le savons et nous le comprenons, mais nous insistons. C'est la bonne conception. Saison de la digne rage. Sentir le rouge. Climat 2009. D. Droite, gauche et centre. Le centre du pouvoir n'est plus dans les États nationaux. Cela ne sert donc à rien de conquérir le pouvoir. Un gouvernement peut être de gauche, de droite, centriste et finalement, il ne pourra pas prendre les décisions fondamentales. La dignité rebelle. Conversation avec le sous-commandant Marcos Galilée, 2001. E comme échec. Si on arrivait à se fondre dans la montagne, ce serait notre arme la plus puissante. On vivait de fruits sauvages, de la chasse. On a ouvert un réseau de chemins qui nous permettait de nous déplacer d'une montagne à l'autre sans être vus. C'était une époque de grande solitude. Rien dans la réalité mondiale ou nationale n'indiquait que ce sacrifice valait la peine ou qu'on avait une chance de gagner. Au contraire, tout semblait dire qu'on allait à l'échec total. Le rêve zapatiste, au seuil, 1997. F, comme fertiliser. Je t'assure, on n'aspire pas à fertiliser de notre sang le chemin de la libération du Mexique. On préférerait franchement le fertiliser de notre vie. Notre mort n'est pas indispensable pour que le Mexique soit libre. On fera tout ce qu'on pourra pour rester en vie. Le rêve zapatiste, au seuil, 1997. G comme guerre. On ne peut comprendre et expliquer le système capitaliste sans le concept de la guerre. Sa survie et sa croissance dépendent de façon primordiale de la guerre et de tout ce qui s'y associe et ce qu'elle implique. Par la guerre et dans la guerre, le capitalisme pille, exploite, réprime et discrimine. Dans l'étape de mondialisation néolibérale, le capitalisme fait la guerre à l'humanité entière. Saison de la digne rage, climat, 2009. H comme homosexuel. Dans les communautés indiennes, on ne persécute pas les gays. Les gens font des blagues, rigolent, mais ils ne sont ni exclus ni pourchassés. En plus, depuis le premier moment, les gens ont vu que le mouvement gay, mexicain surtout, envoyait de l'aide. Ils se sont fait expliquer ce qu'était ce mouvement, et ce n'est pas l'aspect sexuel qui les a frappés, mais l'exclusion sociale. Ils doivent se cacher pour ce qu'ils sont? C'est comme nous? On devrait se cacher pour être zapatiste? Le rêve zapatiste, au seuil, 1997. I comme inversion. Nous n'allons pas créer une force politique pour participer à la lutte pour le pouvoir. Nous voulons au contraire organiser une inversion du pouvoir. Voilà le pari que nous faisons. On nous dit que cela ne peut pas être fait, que cela n'existe dans aucune théorie politique, qu'il est impossible de projeter une révolution politique sans vouloir la prise de pouvoir. Mais tout cela est faux. Marcos, le maître des miroirs, au mille et une nuits, 1999. J, comme joie. Nous, on dit qu'on est un joyeux bordel. Par notre composition sociale, on est un mouvement indien ou majoritairement indien en armes. Politiquement, on est un mouvement de citoyens en armes avec des exigences de citoyens. Le rêve zapatiste, au seuil, 1997. K, comme Kissinger. Une guérilla qui ne perd pas, gagne. Et une armée régulière qui ne gagne pas, perd. Et ça, ce n'est pas le Che qui l'a dit, c'est Kissinger. Nous, tant qu'on ne perd pas, on gagne. Et notre ennemi, tant qu'il ne gagne pas, il perd. Même s'il est très supérieur avec tous ses tanks et ses hélicoptères. Propos recueilli par Dauno Totoro Tolis, La Realidad, octobre 1995. L, comme lecture. Quand je suis quelque part, comme ici, où il y a Internet, je me connecte et je lis, je regarde tout. Mais en littérature, je lis surtout du théâtre, des pièces de Brecht, des romans et des classiques comme Cervantes. Le meilleur livre théorique de théorie politique est L'ingénieux Hidalgo, Don Quichotte de la Manche. Entretien avec le sous-commandant Insurgé Marcus, Raimundo Reynoso, Amati, novembre 2006. M, comme médias alternatifs. Pour nous, le rôle que jouent les médias alternatifs est celui des gens qui travaillent et continuent. Pardon, je recommence parce que c'est pas du tout ça la phrase. Pour nous, le rôle que jouent les médias alternatifs et celui des gens qui y travaillent continue d'être essentiel. Je peux même vous dire qu'un jour, je ne me rappelle plus où, j'ai eu une prise de bec avec des organisateurs d'une des étapes parce qu'ils voulaient commencer sans attendre les médias alternatifs qui n'étaient pas encore là et que moi, j'insistais en disant que eux étaient plus importants que moi. Entretien avec le sous-commandant Insurgé Marcus, Raimundo Reynoso, Amati, novembre 2006. N, comme nos cris. Est-ce utile de parler? Nos cris sont-ils chargés comme des bombes? Notre parole sauve-t-elle la vie d'un enfant palestinien? Nous pensons que oui, ça sert à quelque chose, que peut-être que nous n'arrêterons pas une bombe, que peut-être que notre parole ne se transforme pas en un bouclier blindé qui empêche cette balle de calibre 5,56 mm ou 9 mm dont les lettres IMI, Industrie militaire israélienne, sont gravées sur la cartouche, n'arrive dans la poitrine d'une petite fille ou d'un petit garçon palestinien. Mais peut-être que notre parole arrivera à s'unir à d'autres du Mexique et du monde, et peut-être qu'en premier, elle se convertira en un murmure, puis une voix plus forte, et enfin en un cri qu'on entendra à Gaza. Intervention du sous-commandant Marcos lors du Festival de la Digne Rage en janvier 2009. Comme ouvrier. Le zapatisme a du mal à embrayer sur le mouvement ouvrier en général, pas seulement sur les maquiladoras, les usines. Il y a eu beaucoup d'impact dans les communautés indiennes, chez les employés, chez les enseignants, chez les intellectuels, artistes, mais pas dans la classe ouvrière mexicaine. C'est un échec flagrant. Le rêve zapatiste, Seuil, 1997. P comme peur. Ce que nous voulons, c'est pouvoir nous lever chaque matin sans que la peur soit à l'ordre du jour. La peur d'être indien, femme, travailleuse ou travailleur, homosexuel ou lesbienne, jeune, vieux, enfant, autre. Mais nous pensons que cela n'est pas possible dans le système actuel, dans le capitalisme. Saison de la Digne Rage, Climat, 2009. Q comme question éthique. La révolution devient une question essentiellement morale, éthique. Plus qu'une question de répartition de la richesse ou l'expropriation des moyens de production, la révolution représente la possibilité d'un espace de dignité pour l'être humain. La dignité commence à devenir un mot très important, et cette idée ne vient pas de nous, groupe urbain, elle vient des communautés. Le rêve zapatiste au Seuil, 1997. R, comme régime cubain. Le zapatisme adopte une distance respectueuse, mais pas suiviste. On n'est pas des fanatiques du régime cubain. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'on ne sait pas au juste ce qui se passe là-bas, et quoi qu'on dise, pour ou contre, ça nous retomberait dessus. Ils ne parlent pas de nous, ni en bien, ni en mal, faisons pareil. Le rêve zapatiste, Seuil, 1997. S comme starification. Luce était un homme droit, honnête, noble, mais un homme, au bout du compte. Ce n'était pas un dieu ou un leader. Et si je pouvais, c'est ce que j'aimerais être, un homme honnête et juste avec ses défauts, etc., et ne pas être déifié ou transformé en une idole ou en une personnalité éminente. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui est le pire, être une idole ou un monstre sacré. Entretien avec le sous-commandant Insurgé Marcos, Raimundo Reynoso, à Mate, en novembre 2006. T comme théorie. Les théories non seulement ne doivent pas s'isoler de la réalité, mais doivent chercher en elles les leviers qui leur sont parfois nécessaires quand elles se retrouvent dans une impasse conceptuelle. Les théories rondes, complètes, achevées, cohérentes, sont parfaites pour présenter un examen professionnel ou remplir un prix, mais généralement, elles sont réduites en miettes dès le premier coup de vent de la réalité. Saison de la digne rage, Sentir le rouge, édition Climat, en 2009. U comme utopie. Je demande qu'on me dise s'il n'y a jamais eu un progrès social dans l'histoire du monde qui n'ait d'abord été considéré comme une utopie avant de voir le jour. Non, il n'y a jamais rien eu de tel. Marcos, le maître des miroirs, Mille et une nuits, en 1999. V comme visage. Pourquoi ces masques ? Pourquoi vous cachez-vous ? Soyons sérieux, personne ne nous regardait lorsque nous avancions à visage découvert. Et maintenant, on nous remarque parce que nous dissimulons nos visages. Marcos, le maître des miroirs, édition Mille et une nuits, 1999. W, Way of Life. Cette mondialisation répand aussi un modèle général de pensée, l'American Way of Life, qui avait suivi les troupes américaines en Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale, puis au Vietnam et plus récemment dans le Golfe, s'étend maintenant à la planète entière par le biais des ordinateurs. Il s'agit d'une destruction des bases matérielles des États-nations, mais également d'une destruction historique et culturelle. Le néolibéralisme impose ainsi la destruction de nations et de groupes de nations pour les fondre dans un seul modèle. Il s'agit donc bien d'une guerre planétaire, la pire et la plus cruelle que le néolibéralisme livre contre l'humanité. La quatrième guerre mondiale a commencé au monde diplomatique, août 1997. X comme XXe siècle. Le néolibéralisme comme système mondial est une nouvelle guerre de conquête et de territoire. L'ordre mondial est revenu aux vieilles époques des conquêtes de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Océanie. Étrange modernité qui avance à reculons. Le crépuscule du XXe siècle ressemble davantage au siècle barbare précédent qu'au futur rationnel décrit par tant de romans de science-fiction. De vastes territoires, des richesses et surtout une immense force de travail disponible attendent leur nouveau seigneur. La quatrième guerre mondiale a commencé au monde diplomatique, août 1997. Y comme Dieu. Nous sommes des guerriers, et en tant que tels, nous connaissons notre rôle et notre heure. À l'aube du premier jour du premier mois de l'année 1994, une armée de géants, c'est-à-dire d'indigènes rebelles, est descendue dans les villes pour, de son pas, secouer le monde. À peine quelques jours plus tard, le sang de nos tombés, encore frais dans les rues citadines, nous nous sommes rendus compte que ceux de l'extérieur ne nous voyaient pas. Habitués à regarder de haut les indigènes, ils n'ont pas levé les yeux pour nous voir. Habitués à nous voir humiliés, leur cœur ne comprenait pas notre digne révolte. Dernier communiqué du sous-commandant Marcos annonçant sa propre disparition en mai 2014. Et Z, comme zapatiste. Pour les zapatistes, les valeurs éthiques sont une référence fondamentale, beaucoup plus que la réelle politique. Les choix des zapatistes leur font manquer beaucoup d'occasions de réelle politique, parce qu'ils n'accordent plus de valeur aux implications morales. Le rêve zapatiste, édition du Seuil, 1997. Voilà, c'était un abécédaire zapatiste pour cette journée ou pour cette nuit. Et à bientôt.